plus en plus de questions sur cette vie je me pose. Donc pour extérioriser des dizaines de couplets je compose, sans substance dans les veines, je tombe dans la névrose. C'est Narcos que t'écoutes, celui qui mène le rap en apothéose. Donc pour bien que tu comprennes tous les mots je décompose, mais ma théorie repose sur des faits établis. Pas le temps pour les regrets, c'est ce que j'ai souvent dit. Beaucoup se demandent ce que l'on fait ici, mais très peu ont trouvé de but à leur vie. Donc vivre au jour le jour, telle est la solution. Ne plus attendre du futur sous peine de trop grande déception. Donc plus je grandis, plus je trouve la vie dure. Trop d'épreuves, trop de murs à franchir pour pas grand chose au final, mais faut s'en affranchir. Nos destins et la fin d'une longue course de haies, où plus tu tombes, plus c'est hoche de se relever. Vient le jour inévitable où la mort te fauche pour t'enlever de ta famille, de tes proches. T'enlever de ta famille, de tes proches. Mal de vivre dans ce monde depuis des années. 2007, je vis dans la vie, n'arrive plus à charmer. Juste à me décevoir et m'inquiéter, me laisse entrevoir un futur déjà fané. Mal de vivre dans ce monde depuis des années. 2007, je vis dans la vie, n'arrive plus à charmer. Juste à me décevoir et m'inquiéter, me laisse entrevoir un futur déjà fané. Je sais pas pourquoi dans mes textes je suis trop nostalgique. Donc pour y remédier je suis passé le mal à coups d'aspégique. Et on me demande pourquoi mes raps sont si tragiques. Peut-être parce que dans ma vie y'a plus grand chose de magique. Je vois mon entourage se détruire avec des cigarettes en forme conique. Mais là y'a vraiment plus rien de comique. Je veux pas faire le moralisateur, mais quand tu vois la situation, mon pote t'as peur. Pour s'en sortir faut goumer, donc y'a que des tapeurs. N'hésite pas à dégommer pour devenir des bonhommes. 2007 l'heure a sonné et mon rap t'assomme. Et mieux ça t'étonne qu'un blanc dans le rap, sache Péra. Sache que ma voix porte plus qu'un chanteur d'opéra. Moi je t'apporte plus que ce qui sort de la starac. Donc si t'es pas dac avec moi, sors de ma baraque. Mal de vivre dans ce monde depuis des années. 2007, je vis dans la vie, n'arrive plus à charmer. Juste à me décevoir et m'inquiéter, me laisse entrevoir un futur déjà fané. Mal de vivre dans ce monde depuis des années. 2007, je vis dans la vie, n'arrive plus à charmer. Juste à me décevoir et m'inquiéter, me laisse entrevoir un futur déjà fané. J'ai toujours un goût d'amertume lorsque je croise une personne âgée. Se demander pourquoi on a vécu. Sur terre on est de simples personnages. Et au fond on nage tous vers un bonheur illusoire. Prends mes raps comme des mémoires, ils sont intemporels et moi non. Vivre ou mourir comme Hamlet, je me pose la question. J'ai toujours le sourire lorsque je vois un petit faire ses premiers pas dans le jardin d'enfants. Inconscient des soucis qu'il aura dans 20 ans. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout, c'est tellement désolant. Qui sait combien de temps il nous reste sur cette planète. Je voudrais m'en sortir malgré tout. Ces défaites, j'aimerais consentir et qu'on lève tous la tête.